Les chasseurs de nazis. Chapitre 1. Naissance d'une vocation. Troisième épisode. Direction le centre Simon Wiesenthal à Jérusalem. Mendele Street. Un centre qui est en fait un petit deux pièces cuisine niché dans un immeuble quelconque. Un centre qui porte le nom de Simon Wiesenthal en mémoire du survivant des camps de concentration qui fut le premier chasseur de nazis de l'histoire dès l'après-guerre. Ephraim Zuroff est directeur actuel de ce centre. Welcome. Thank you. Il est célèbre pour avoir lancé en 2002 l'opération Dernière Chance. Entendez, la dernière chance de voir un criminel nazi dans un procès. Les gens me demandent, comment êtes-vous devenu chasseur de nazis? Je dis d'habitude, moitié par plaisanterie. Vous voulez la réponse mystique ou la réponse factuelle? Ephraim Zuroff est loquace, très loquace. Cet amateur de NBA est aussi un joueur de basket à 16 heures. Ça se sent. Il se saisit des questions comme d'un ballon sous le panier. Ephraim, ce prénom vient de la Bible, avec 5 lettres, et la racine est composée de 3 lettres, Pei, Reish, Yud. Ce qui signifie fruit. C'est la base. Quand je suis né, le 5 août 1948, mon père a envoyé un télégramme à son beau-père, mon grand-père, qui était en Europe en mission pour aider les survivants de la Shoah. Il dirigeait le Central Orthodox Committee, un comité mis en place par le Joint Distribution Committee, une organisation charitable juive très connue. Et il prenait en charge les besoins religieux des survivants dans les camps de personnes déplacées. J'ai vu le télégramme. Il disait, Esther, c'est ma mère. Esther a donné naissance à un garçon. Et la réponse de mon grand-père a été tout de suite, il a suggéré de le nommer Ephraim. Ephraim, c'était le plus jeune frère de mon grand-père. C'était un des 6 garçons nés en Lituanie, à l'époque partie de l'Empire tsariste. Et les 5 premiers de ces garçons ont émigré. Mon grand-père est allé en Amérique, un oncle est allé en Écosse, 2 sont allés en Afrique du Sud et 1 en Palestine. Et le plus jeune, Ephraim, qui était apparemment quelqu'un de très intelligent, un étudiant talmudiste extrêmement brillant, lui est resté en Europe, en dépit du fait que mon grand-père a beaucoup œuvré pour lui obtenir un visa pour l'Amérique. Il aurait pu venir en Amérique avant-guerre, mais il avait l'impression, peut-être à juste titre, que l'Amérique n'était pas un endroit pour un bon garçon juif, pour un rabbin, pour un étudiant talmudiste. Il a été assassiné avec sa femme et ses 2 enfants, à Vilna, nous le savons, et probablement par des Lituaniens. Dans notre famille, on parlait très peu de la Shoah. Même si moi, je porte le nom d'une des rares personnes de notre famille qui a été tuée pendant la Shoah. La plus grande partie de notre famille avait émigré avant. Mais il faut comprendre l'atmosphère des années 50 et 60. La Shoah, c'était pas un sujet intéressant. C'était pas un sujet populaire. Les gens cherchaient à tourner le dos au passé et aller de l'avant pour un nouvel avenir. En d'autres termes, je ne me sentais pas du tout obligé par mon prénom. Très sincèrement. C'est seulement ces dernières années où je me dis que peut-être, ça peut être quelque chose à voir avec ça. Mais je ne l'ai jamais senti comme ça, même au sujet de la Shoah. 11 mai 1960, vous vous souvenez que c'est le jour où Serge et Beate Klarsfeld se rencontrent sur le quai du métro parisien. Au moment même où le Mossad enlève Adolf Eichmann à Buenos Aires. Ephraim Zuroff a 12 ans, lui il vit à New York, et comme le monde entier, il découvre cette nouvelle annoncée par le premier ministre israélien David Ben-Gourion. J'annonce à la Knesset qu'il y a peu de temps, l'un des plus grands criminels nazis a été retrouvé par les services de sécurité israéliens. Adolf Eichmann, responsable avec les autres chefs nazis de ce qu'ils ont appelé la solution finale du problème juif, c'est-à-dire l'extermination en Europe de 6 millions de juifs. Je m'en souviens très bien, c'était étonnant. En Israël, Il n'y avait pas de télévision à l'époque. Mais en Amérique, où je vivais, oui, il y avait la télévision. Donc moi, je l'ai vu. Je me suis dit, ça a l'air vraiment intéressant, c'est cool. Et tout ce que je savais sur la Shoah, c'est que beaucoup de Juifs avaient été assassinés. Il y avait quelqu'un qui s'appelait Hitler. J'avais aucune idée de qui était Eichmann. Ça a attiré mon attention. Mais ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est que ma mère était très agitée. Ma mère est d'ordinaire quelqu'un de très calme, et là, elle était vraiment très agitée. Il faut que tu vois ça. Asseyons-nous, regardons ça. Adolf Eichmann est déjà sous mandat d'arrêt en Israël, et il passera sous peu en jugement en Israël, conformément à la loi punitive de 1950 sur les nazis et les collaborateurs nazis. Est-ce que c'est au moment de la guerre des six jours, en 1967, que vous avez ressenti un intérêt profond pour l'histoire d'Israël ? Ça a eu un effet très important sur moi. Ce n'était pas inhabituel. Ma génération a été fascinée, non, pas fascinée, mais fortement influencée par la guerre des six jours. Ils avaient creusé, quelqu'un me l'a dit il y a quelques jours, ils avaient creusé 10 000 tombes à Tel Aviv parce qu'ils pensaient que ce serait le nombre de victimes. Et les Arabes parlaient ouvertement de jeter les Juifs à la mer. Et ma réaction spontanée, ça a été « Oh mon Dieu, ça va être une nouvelle Shoah ». Ça a été ma réaction spontanée. Et au lieu de ça, c'est l'inverse qui s'est produit. Une grande victoire. Et l'année suivante, c'était l'année universitaire 67-68, je me suis engagé pour aller étudier un an en Israël, comme beaucoup de mes camarades d'études de la Yeshiva University. Nous sommes allés en Israël, la plupart d'entre nous en sont tombés amoureux et ont décidé d'y faire leur vie. Je suis revenu pour un an, j'y suis retourné immédiatement, j'ai commencé une maîtrise, je suis allé faire un troisième cycle. Et je me suis spécialisé dans la Shoah. Mais le point qui m'intéressait le plus, c'était comment est-ce que la Shoah a pu se produire. J'ai donc obtenu un job à Yad Vashem. Et là, tous les gens qui travaillaient à Yad Vashem en 73, c'était des survivants. Si on revient à votre parcours, c'est au début des années 80 que vous commencez à travailler pour l'Office of Special Investigation, récemment créé aux USA pour traquer les criminels nazis. J'ai eu cette idée de créer une banque de données de tous les survivants de la Shoah en Amérique du Nord pour aider l'OSI. Et je les ai convaincus qu'ils avaient besoin de quelqu'un en Israël. Et le premier CDD était de 2 mois, puis 4 mois, et puis tous les 6 mois, il a été renouvelé. Chercheur. Ça veut dire que vous cherchez des survivants en Israël ? Chercher des survivants ici et chercher des documents historiques. Tout ce qui pouvait aider à mener des poursuites contre les nazis. Je n'étais pas officiellement un employé du gouvernement des États-Unis, mais je travaillais pour l'OSI. J'ai travaillé pendant 6 ans. J'ai trouvé une manière d'identifier les destinations de fuite de milliers de criminels de guerre nazis qui partaient en Australie, au Canada, d'autres endroits. Je ne pouvais rien y faire puisque je travaillais pour les Américains. Donc j'ai eu cette idée. Le Canada et l'Australie enquêtaient pour savoir s'ils avaient des nazis. Combien de nazis ? Qui ? L'Angleterre et la Nouvelle-Zélande ne savaient même pas qu'ils avaient un problème avec ça. Le seul pays qui n'en avait pas, c'était l'Afrique du Sud, parce que l'Afrique du Sud était fermée à l'immigration. L'idée était d'inonder ces pays avec les noms des suspects. Pourquoi vous rigolez ? Non, c'était l'idée, pour les convaincre qu'ils devaient les poursuivre. L'idée était donc d'établir une banque de données complète sur les criminels de guerre nazis, avec des bureaux à Washington, Los Angeles et Jérusalem. On a commencé à mouliner des listes, d'abord une liste de 40 suspects pour l'Australie, puis la liste suivante, c'était pour l'Angleterre, une liste de 17 suspects. Moi, j'étais ici à mouliner des listes et j'énervais tout le monde. Je les mettais en colère avec l'envoi de ces listes. C'était très amusant. Non, mais écoutez, la bonne chose, c'était que le Canada, en 1987, l'Australie, en 1989, le Royaume-Uni, en 1991, ont voté des lois permettant la poursuite au pénal. Ça a été une victoire morale, c'était une victoire juridique, mais très honnêtement, ça n'a pas mené très très loin. À demain pour la suite des Chasseurs de nazis, une histoire racontée par Jean-Philippe Navarre et Michel Pomarède.